force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ne sois pas découragé parce que les gens sur qui tu comptais t'ont abandonné dans des moments difficiles. Oui, Jésus aussi a été abandonné par ses disciples. Mais laisse-moi te dire, quand bien même les gens intimes, les amis intimes, tes frères et sœurs t'ont abandonné, mais le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Il aimerait que tu expérimentes son amour et que tu puisses plus compter sur lui que sur les hommes. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ta femme. Réveille ton mari. Nous sommes à OSB, Opération Sur la Brèche. Notre texte du jour, c'est Matthieu 1, 18 à 25. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSP. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSP. Lisons donc Matthieu 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Nous allons partager 5 grandes vérités tirées de ce passage. Première vérité, Dieu peut opérer des miracles encore aujourd'hui. La conception de Marie était miraculeuse. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus aux miracles. Je vais parler à quelqu'un. Une femme, écoute-moi bien, tu as déjà dépassé 45 ans. Et les gens te disent, ton médecin t'a dit, n'espère plus d'avoir un enfant. Mais laisse-moi te dire, le Dieu qui change la stérilité en fécondité est capable de te donner un bébé. Ne désespère point. Marie était vierge. Sur le plan humain, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais l'ange lui a dit, tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Manuel. C'est pourquoi, au verset 20, il est dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Deuxième vérité, évitons de diffamer les autres et suivons l'exemple de Joseph. Nous vivons une période où les gens aiment la diffamation. Et cela commence à partir même des foyers. Il n'est pas normal que toi, tu es un homme marié. Tu veux diffamer ta femme. Écoute-moi bien. Tu cherches la diffamation comme prétexte pour divorcer d'avec ta femme. Alors que c'est toi qui t'es méconduit. Ce n'est pas normal. La diffamation existe aujourd'hui même dans l'église. Il y a des frères et sœurs qui cherchent à diffamer les autres. Tu n'as même pas vérifié ce que tu es en train de dire, mais tu cherches à salir les autres personnes. Ce n'est pas bon. Joseph était un homme de bien. Vous voyez, il a remarqué que sa fiancée Marie était enceinte. Alors, sur le plan humain, il s'est dit, mais ce n'est pas normal que ma fiancée, je ne l'ai pas connue. Mais d'où vient qu'elle soit enceinte? D'où vient la grossesse? Mais malgré cela, Joseph n'a pas fait d'affiche ou d'annonce radio ou télévisée pour la diffamer, pour dire, voici Marie, ce qu'elle a fait. Non. Vous voyez, pourquoi il y a des gens qui cherchent même à amplifier les faiblesses des autres. C'est ça leur travail. Le verset 19 dit, « Joseph, son époux, qui était un homme de bien, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui ne cherche pas à faire du mal à l'autre, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » D'où vient qu'aujourd'hui, il y a des gens, lorsque même ils veulent se séparer de son mari ou de sa femme, ils cherchent à raconter beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans l'église, c'est que les autres prennent comme alibi ou comme prétexte de dire « ma femme est sorcière, Dieu m'a révélé ». Mais écoute-moi bien, ne cherche pas à diffamer l'autre. Suis l'exemple de Joseph. D'ailleurs, la diffamation est même condamnée par la justice. Troisième vérité, laissons-nous conduire par Dieu et par son esprit dans la prise de nos décisions. Souvent, nous prenons des décisions de manière précipitée. Ici, nous voyons ce que Joseph a fait. Il a constaté que Marie était enceinte. Et il voulait décider de rompre avec elle. Mais le texte dit, au verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Le verset 21 dit, « Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Manuel. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et le texte précise que ceci est conforme à ce que les prophètes ont écrit. Verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Manuel. » L'ange montre que ce qui vient de se passer est conforme aux prophéties de l'Ancien Testament et particulièrement au prophète Ésaïe. Et le verset 24 dit, « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. » Et prit sa femme avec lui. En d'autres termes, Joseph a changé d'avis. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Les décisions que tu veux prendre là, de voyager, de déménager d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, il faut les soumettre au Seigneur. Ne prends pas une décision de manière précipitée. Je vais parler à un homme, écoute-moi bien. Le Seigneur t'a conduit, il t'a dit d'épouser une jeune dame. Mais toi, tu hésites parce qu'elle a déjà fait un enfant ou deux enfants. Écoute-moi bien. Avoir un enfant, ce n'est pas la fatalité. Et pourtant, toi-même, tu as déjà eu un enfant avec. Ce qui compte, c'est l'amour et le consentement. Donc, si l'Esprit de Dieu t'a conduit, prends cette femme. Elle peut construire pour toi une bonne épouse. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Cesse de voir les considérations humaines. Cesse de t'appuyer surtout sur des amis qui vont te dire « Non, voilà, elle est déjà plus âgée que toi, elle est ceci. » Suis la direction du Saint-Esprit. Si Joseph suivait tout simplement les avis des hommes, s'il faisait peut-être une réunion familiale, peut-être les gens n'auraient pas compris ce qui se passe. Mais il s'est laissé conduire par Dieu lui-même. Et il a reçu l'explication de cette grossesse. Il a compris que c'était conforme à l'Écriture sainte parce que c'était l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et il a obéi. Le verset 24 dit, « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. » Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, fais ce qu'il t'a ordonné de faire. Quatrième vérité, respectons la chasteté, surtout pendant les fiançailles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent les fiançailles et le mariage. Si bien qu'aujourd'hui, même dans l'église, il y a beaucoup de fiancés qui sortent déjà, qui vivent comme mari et femme. Ce n'est pas normal, c'est l'impudicité. Lorsque tu dis que tu es fiancé, fais attention, je vais donner un conseil à un frère. D'où vient que déjà, tu demandes à ta fiancée de venir dormir chez toi? Elle vient arranger ton lit. Ça, c'est dangereux. Ça, tu es en train de mélanger des choses. Regardez ce qui s'est passé ici. La Bible nous dit que Joseph, le verset 25 dit, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Cela veut dire que Joseph n'a pas connu Marie avant le mariage. Jeune homme, jeune garçon, jeune fille, c'est possible. Je sais que c'est dur, mais si tu te confies en Jésus, il va te donner cette grâce, cette force de ne pas succomber. Je vais parler à un jeune, écoute-moi bien. Pourquoi tu aimes la boisson? Tu vois, la boisson te conduit à ce que tu n'arrives pas à te maîtriser. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Souvent, lorsqu'on fait des sorties nocturnes, où vous allez jusqu'à minuit, au-delà de minuit, ça vous expose. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand vous êtes fiancés, il faut vous donner des balises. Il faut avoir des balises pour ne pas succomber dans la tentation. Cinquième vérité concerne la révélation sur Jésus. Ces passages nous révèlent que Jésus était conçu du Saint-Esprit. Il n'était pas issu d'une union normale entre un homme et une femme. C'est pourquoi il est né sans péché. Son nom, c'est Jésus, cela veut dire le Sauveur. L'ange précise que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il n'y a point d'autre Sauveur que Jésus-Christ. Sa naissance était prophétisée plusieurs siècles avant. Parce que, ici, il est dit au verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait ordonné par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte et l'enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cela veut dire « Dieu avec nous ». Donc, en même temps, ce passage nous montre l'humanité de Jésus. Mais en même temps, par son nom Emmanuel, on nous montre sa divinité. Il était un enfant exceptionnel. Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais que nous puissions glorifier ce Jésus-là. Il est digne d'être loué, digne d'être glorifié. Chantons ce cantique. Seigneur, inégal. gloire au Seigneur. Élevons le nom de Jésus, celui qui est né, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né d'une vierge. Il est venu pour nous sauver. Élevons nos voix, bénissons son Saint-Nom. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu des miracles. Tu es le Dieu incomparable, le Dieu qui ne change pas, le Tout-Puissant, capable de réaliser tout ce que tu veux. Oh, nous bénissons ton nom, oh notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Toi le Dieu qui nous conduit jour après jour. Tu es celui qui nous éclaire. Oui, tu es celui qui nous aide à marcher dans la sanctification et dans la puissance du Saint-Esprit. Oh, sois béni notre Père, notre Seigneur, toi le Dieu vivant. Que l'honneur te revienne. Merci, Seigneur Jésus. Toi le seul sauveur, toi qui as accepté de quitter ton trône de gloire et qui t'es abaissé pour nous sauver, nous t'élevons, toi qui as été conçu par le Saint-Esprit. Oh, tu es unique en ton genre, sois magnifié, toi dont la naissance a été annoncée plusieurs siècles avant. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Matthieu 1, 18 à 25. Nous voyons ici que la naissance de Jésus était exceptionnelle. Il a été conçu du Saint-Esprit. Marie se demandait, comment est-ce que je peux enfanter? Mais le miracle est possible. Tu vas prier le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Peut-être que tu ne crois pas que Dieu peut opérer un miracle. Parce que tu souffres d'une maladie dite incurable. Tu ne crois pas que Dieu peut opérer le miracle à cause de ton âge. Tu dis, est-ce que moi je peux encore me marier? Est-ce que moi je peux encore enfanter? Tu ne crois pas que Dieu peut opérer un miracle pour que tu aies des papiers pour le regroupement familial, là où tu es, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en France. Tu vas prier pour que Dieu opère le miracle. Prions le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que les miracles nous accompagnent, accompagnent ceux qui auront cru, a dit la Bible. Et le livre de Matthieu 19, verset 26 dit, « Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Merci parce que Jésus-Christ, ta naissance est miraculeuse. Tu as fait des choses extraordinaires dans ton ministère de façon miraculeuse. Des guérisons miraculeuses se sont opérées au travers de tes mains, au travers de l'enseignement, au travers de ta parole. Et aujourd'hui encore, tu le fais, car tu as donné cette grâce, cette onction aux apôtres et ils ont opéré des miracles dans diverses régions, dans divers cas. Et même par l'opération de ces miracles, des villes entières se sont données à Christ. Je prie, papa, pour quelqu'un qui attend, oh Dieu, un papier, la légalisation d'un papier, qui attend le recouvrement familial. Père, je déclare que le miracle est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est malade et attend la main de Dieu pour que ce mal capitule. Ce matin, Seigneur, merci d'étendre ta main dans la vie de cette personne afin que ce mal, effectivement, libère cet homme, libère cet enfant, libère cette femme au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'âge avancé, merci parce que le miracle de la rencontre avec son partenaire est arrivé et le mariage est possible. Merci pour le miracle de fécondité. Père, merci pour tous tes bienfaits dans la vie de quelqu'un qui espère voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voyons dans ce passage que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans la prise de nos décisions. Joseph voulait décider de rompre secrètement avec Marie. Mais quand il a suivi l'intervention de l'ange, Dieu a envoyé son ange, il a compris que c'était dans le plan de Dieu. Prions le Seigneur pour qu'il puisse nous conduire dans toutes nos décisions, afin que nous ne puissions pas commettre des erreurs au nom de Jésus. Et si tu te rends compte que tu as pris une décision sans consulter Dieu, repens-toi, demande-lui pardon et laisse-toi conduire par lui et non par la chair ou par les avis des hommes au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous voulons te remercier ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, par l'exemple de Joseph, qui était un homme du bien, un homme sérieux, un craignant Dieu, qui ne voulait pas diffamer son épouse, la vilipender. Seigneur, il a préféré rompre secrètement, et c'est en ce moment qu'il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il a prié, parce qu'il faisait confiance à Dieu. Que faisons-nous aujourd'hui devant des difficultés, devant une faute de notre mari ou de notre femme? Quelque chose de grave. Nous nous précipitons à prendre des décisions et nos enfants vont en pâtir. Nous prions ce matin de nous aider à être à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de la parole de Dieu, à être conduit par Dieu. À ne pas chercher à nuire, à diffamer, à vilipender, à faire du mal à l'autre et à chercher à nous venger. Viens au secours à nos vies pour que nos foyers soient préservés, nos vies soient préservées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons de voir que Joseph et Marie sont restés chastes. Il ne l'a pas connu avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Nous allons prier pour nos jeunes gens, nos frères et sœurs, nos enfants. Ceux qui sont surtout fiancés, il y a beaucoup de gens qui succombent à la tentation, qui vivent dans l'immoralité. Prions le Seigneur, afin qu'il puisse susciter une jeunesse de ceux-là qui peuvent encore cultiver des valeurs chrétiennes, telles que la virginité, telles que la pureté, la chasteté sur le plan sexuel. Prions le Seigneur et éloignons, prions pour combattre ces esprits d'impudicité, d'immoralité et toutes sortes de vices sexuels qui commencent à dévier la jeunesse aujourd'hui. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération Éternel Dieu, toi qui règnes sur toutes choses, toi qui nous bénis et nous fortifies chaque jour, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Ce matin, nous nous tournons vers toi pour te dire merci pour toutes les grandes choses que tu fais dans nos vies. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs qui sont fiancés, afin qu'ils puissent vivre la chasteté. Nous prions, ô Père éternel, comme tu le demandes dans ta parole, la chasteté doit être une vertu de tous ceux qui ne sont pas mariés. Nous demandons, Père éternel, que tu donnes la force à ces jeunes futurs mariés de rester dans la chasteté. Nous prions pour la préservation. Nous prions pour l'abstinence dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur toute forme de désordre sexuel. Nous prenons autorité sur toute forme de fornication dans le nom de Jésus-Christ. Fortifie les futurs mariés. Que ta grâce soit sur eux et qu'ils soient un exemple dans notre société. Une société dans laquelle il y a beaucoup de dérives. Mais tu connais tes enfants, tu fortifies tes enfants. Et instruis aussi tes servantes et tes serviteurs afin qu'ils puissent prêcher sur ces différentes valeurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.